rejoignent le soir où le vent rassure un peu de France, trois quarts d'Espagne décident ensemble des mesures. Des tentatives déboussolées, les rêves en creux faits à demi, et les processions désordonnées, files indiennes d'étranges habits. Thank you.